va être spécial. Je l'ai écouté une fois. Un poupin qui fait non. Oh, que c'est Johnny qui a composé la chanson en fait. Il joue mal, Hendrix. Ça va aller mieux après. Allez, JP!